Planet Rap. À partir de maintenant, tout ce que tu vas entendre est complètement nouveau et totalement inédit. Pour avoir reçu la totalité des artistes de la scène urbaine, Planet Rap. Elle est devenue l'émission rap de référence. Let's go. Ce soir et toute cette semaine, Skyrock reçoit DJ Amida. Are you ready for this? En direct et pendant une heure complète. Planet Rap, DJ Amida, c'est maintenant sur Skyrock. Et c'est parti déjà pour la dernière de cette semaine, une grosse semaine. Comment ça va, Amida? Très très bien. En forme? En forme. Il y a des invités qu'on va présenter dans un instant. Des invités de marque pour la Mix Party 2015. Pour cette dernière ce soir jusqu'à 21h, vos messages, vous les balancez avec le hashtag DJ Amida sur Skyrock. On va aussi se rappeler tout de suite pour débuter le Planet Rap. Yes. On a préparé un petit zap de ce qui s'est passé durant cette semaine avec beaucoup de live aussi, beaucoup de mix. Ouais. Écoutez ça, c'était avec DJ Amida cette semaine. C'est parti. Planet Rap. C'était toute cette semaine avec DJ Amida sur Skyrock. Sur Paname, la différence est notre plus belle arme. S'il y a du vacarme, c'est que j'envoie de la musique en rafale. C'est ils me détestaient, je les ai ambiancés, ils m'ont validé. Viens donc sur Paname, où la colle c'est de l'eau de l'Oman. Hey, on est sur Skyrock, on est sur Skyrock. Hey, on est sur Skyrock. On est sur Skyrock. J'ai dit c'est on est sur Skyrock. On est sur Skyrock. Oui, monsieur, on est sur Skyrock. On est sur Skyrock. Ma boy Planet Rap. Les choses se passent à fond, de ton fond, de la fonde, de la demoiselle, de la grand-mère, à la fille, de la cantine, à la fille, à sa maman. À ça. La fille à sa maman. À ça. La fille à sa maman. À ça. La fille à sa maman. Planet Rap. En train de mon but, j'ai campé. Dit orage de décamper. Je suis pas passé par la porte d'entrée. Puis la naissance, je suis fin prêt. À ma santé, à ma santé. C'est les jaloux, les fois le revêt. À ma santé, à ma santé. Deux, trois pas, les gosses sont pleuvés. À ma santé. Yeah. Ok, Skyrock. Okay. Si tu veux être un gamin santé, si tu veux être un gamin santé, si tu veux être un gamin santé, mix si party. Tu veux être un gamin santé. C'était toute cette semaine avec DJ Amida sur Skyrock. On est refait, on est tout jeune. Yo. Je veux plus rentrer, ça y est, je suis dans mon délire. Si être heureuse est un délit, je veux pas qu'on me délivre. Je suis tout j'dit, et ça dans tous les aspects. Nouvelle panoplie, lunettes, chapeau et casquette. On veut brasser dans le bonheur jusqu'à s'y noyer. Les gros gamos passent, les chiennes vont t'aboyer. Mon équipe est j'dit, et la tienne aussi. Le soleil frappe et les filles prennent pour calessie. Faut pas prendre la tête, ce soir c'est la fiesta. Sur le dance floor, crois-moi, je suis intestable. Préviens tes rap, Roya qui j'dit. Tu veux faire un tube, viens par là que je t'explique. C'était toute cette semaine avec DJ Amida sur Skyrock. On est tout jeune. Yo, je veux plus rentrer, ça y est, je suis dans mon délire. Si être heureuse est un délit, je veux pas qu'on me délivre. Je suis tout j'dit, et ça dans tous les aspects. Nouvelle panoplie, lunettes, chapeau et casquette. On veut brasser dans le bonheur jusqu'à s'y noyer. Les gros gamos passent, les chiennes vont t'aboyer. Mon équipe est j'dit, et la tienne aussi. Le soleil frappe et les filles prennent pour calessie. Faut pas prendre la tête, ce soir c'est la fiesta. Sur le dance floor, crois-moi, je suis intestable. Préviens tes rap, Roya qui j'dit. Tu veux faire un tube, viens par là que je t'explique. Planet Rap. Toute l'année, j'ai besoin de partir ailleurs. Le fire, Dubaï, Meknes, Miami, Marrakech, kiffe la chaleur. DJ Amida au platine, d'ambiance jusqu'à pas d'heure. Tu sais tous les soucis, le gamin c'est de sortie. À la bien mix party, le style de Meknes. Morocco Gangs, c'est moi qui rince. Paré pour la guerre, papa paré pour l'ambiance. DJ Amida nous met ça. Minimum le petit pas danse, toujours pas ça. Que des bêtes de les soirs. Staraté, je te marre des speed tout le temps. C'était toute cette semaine avec DJ Amida sur Skyrock. Planet Rap. Ne viens pas faire péter les fusils. Tout touche à mon voyage de fusil numéro 1. Hamida Mix Party 2015, on fait comment? Je suis venu te traquer, Planet Rap. Parce que l'été ça va vite. Fais péter le son, amigo, faut baisser la vite. J'ai dit l'été ça va vite. Fais péter le son, amigo, faut baisser la vite. Vite, vite, vite. On est sur Paname. Paname. On est où? On est sur Paname. On est où? J'ai dit quoi? On est sur Paname. On est sur Paname. Là tu peux chanter hein. On est sur Paname. Là tu peux chanter hein. On est sur Paname. On est sur Paname. On est sur Paname. Oui. On est sur Paname. Mais j'entends rien là. On est sur Paname. On est sur Paname. Hey, on est sur Paname. J'ai dit on est sur Paname. Yeah. On est sur Paname. J'ai dit on est sur Paname. Mais Fred, arrête de faire le timide. Arrête de faire le timide, ma boy. L'émission rap de référence, c'est Planet Rap sur Skyrock. Le Planet Rap avec DJ Amida, une grosse semaine qui se prolonge ce soir jusqu'à 21h. C'est ça. Une ambiance de folie, un feu d'artifice pour finir ce soir. Ouais, gros feu d'artifice. Alors avec qui comme fusée? Avec la belle demander. Et ravissante Kaina Samet. Ah, quelle histoire en plus, Kaina, incroyable. Ouais. Incroyable. Ça va, Kaina? Ça va, tranquille et toi? Bah ouais, très bien. Toujours quand je te plaisir. Vois, toujours un plaisir aussi. Ça fait plaisir, merci Fred. Et toujours un plaisir pour moi d'être là, à Skyrock, avec toute l'équipe, Planète Rap. En plus, c'est le dernier soir, mon pote Amida est là, il fait le taf. Mais on va quand même rappeler cette histoire incroyable déjà du précédent ouais. volet. Ouais. Le déconnecté. Ouais. Yes. Que t'as suivi, moi je voyais Kaina à chaque fois. Oh, on a franchi le million. Oh, 2 millions. Ouais. Oh, 3 millions. À 1 million, moi j'ai dit c'est bon. 1 million, c'est bien, c'est mignon déjà. Mm-hmm. Ouais, c'est alors vrai. Quand il y en a 53 aujourd'hui. Ouais. 53 millions de vues ouais. pour le déconnecter. Mm. Ouais. Pas mal. C'est franchement une belle histoire pour nous tous. Un délire à la base. Et puis. Ouais, c'est parti de comment déconnecter? C'était à quel moment sur la mix partie sur le précédent? C'était à la fin. Hein, c'était ton dernier morceau, je crois. Ouais, dernier morceau à la fin. Et on n'en pouvait plus tous, tu sais, au mois de mai, quand on peut plus, comme un peu là. Donc on s'est dit. Enfin, moi, c'est pas le genre de thème, en tout cas, voilà, toutes ces musiques un peu festives, etc. Je me sentais pas trop. C'est vrai qu'on t'a connu. Beaucoup plus. Le son, parfois. Ouais. Je kiffe faire ça aussi, mais justement, l'occasion de l'album de Hamida, c'est, comme il disait tout à l'heure, un peu une cour de récré, tu vois. Donc nous, on se lâche en tant qu'artiste et il suffit de trouver une bonne prod, un bon délire et ça le fait, quoi. Et puis ça a donné donc Déconnecté, qui nous a ambiancé l'été dernier d'une façon incroyable. Mmh. Et là, de retour, donc, ouais. Kaina. De retour, ben, toujours avec Hamida, Rimka aussi d'ailleurs. C'est ça. Pour un titre différent qui s'appelle Melia. On a balancé le clip il y a à peu près 2 semaines. Ouais, le clip arrivait, ouais. Ouais. Voilà, avec une très belle guest aussi dans le clip, je tiens à préciser. Oui. Ouais. Je lui ai dit de passer ce soir, mais comme elle est trop timide, elle voulait pas parler. Mais je sais qu'elle nous écoute, donc je fais un gros bisou à Nawel. Gros bisou à toi, Nawel. Nawel qui nous écoute. Et donc voilà, ambiance mariage, ambiance chaoui. Et voilà, on espère que ça va tout l'été. Ouais, c'est, ça. Bon, c'est un peu le porte-bonheur, Kaina, d'avoir Kaina sur l'album, sur la mix party. Toujours, ouais. Toujours. Ah, ça fait super plaisir. En plus, on est affilié au même label qui est 609. 609. Qui arrive avec sa nouvelle coupe. Ouais, pas mal, j'ai vu ça. Avec une mèche rebelle, mais vers l'arrière. Tu sais, d'habitude, c'est devant. De Kabyle. Et on sait pas Nabil, on connaît pas son état capillaire du moment. Ah oui, c'est vrai que Nabil s'est exilé. Il nous fait des surprises aussi. On l'a perdu en Angleterre. En tout cas, ouais, c'est l'équipe, c'est la famille. Et c'est bien de travailler en famille. C'est, voilà, ça fait plaisir. On est souvent en contact, on se parle et on se croise. C'est ça. Et voilà. Et ben on t'écoutera en live aussi tout à l'heure, où on écoutera le morceau. Je sais pas ce qu'il y a de prévu, Amida. De toute façon, tu mettras là-dessus. Sans ambiance rap, peut-être. Ouais. On verra. On continue le tour de table. Yes. Ah. Et le CK. Il est là, il nous a dit, moi je viens vendredi, je parlerai vendredi. Là c'est spécial famille là. Ah, le CK. Bonsoir. Ça va bien? Ouais, cool. T'es tout calme. Ouais, tranquille. Ah ouais, petite chicha au bec, tranquille. Ouais, voilà. Ça va? Bah et toi? Ouais, chambé. Bien? Ah ouais, Marcel. Tout se passe bien? Tout va bien. Tout va bien? Dans le meilleur des mondes. Qu'est-ce qui se passe là, c'est calme? J'ai mis le aussi calme. Ouais, c'est vrai qu'il est calme. Il est arrivé cette semaine, il était dissipé comme tout. Ah bon? Non, on a passé une ambiance incroyable, c'était mardi. C'est avec parce que c'était mardi. Mardi, tu nous as ambiancé ça, toi, j'ai l'impression que t'étais parti, là, t'étais calme. C'est mon boulot, ça. Pour ceux qui sont déjà venus nous voir sur scène, ils ont eu un aperçu. Ils peuvent témoigner qu'on est vraiment chaud sur scène. Bon, tout va bien pour toi et le CK. Ouais. Qu'est-ce que t'as fait d'ailleurs cette semaine entre temps en studio? Bah, je suis sur mon projet aussi. Donc voilà, j'étais en train de travailler aussi. Et en même temps, bah voilà, on devait gérer les clips pour. Alors moi j'ai une question à poser aux auditeurs, ceux qui veulent voir le clip de Je danse quand même, envoyez des messages pour voir si on va faire ce clip ou pas. Bah, on est en train de gérer ça, donc on est en train de. Ah, il fait partie des gros morceaux aussi, celui-ci. C'est... Hein. De l'album. En effet. De la mix partie. J'ai beaucoup de bons retours par rapport à. Donc voilà, on va demander aux auditeurs s'ils aiment ça, envoyer des textos. Ouais. Alors, chauffer Karim. Faire le clip, oui ou non. Chauffer Karim. Oui ou non. Hashtag DJ Hamida. Hashtag DJ Hamida. Sur Skyrock. Voilà. Et ça arrive directement dans le studio. Et le CK est là aussi. D'autres invités que tu veux nous présenter? Ouais, mais ils sont pas tous arrivés. Ah. Si. C'est pas grave. On va mettre un morceau. On met un morceau, on présente la suite après. Allez, on est reparti avec Paname. Ouais, vas-y. Avec Camero maintenant. DJ Hamida, Miss Party 2015. Depuis des mois, ça parle sur moi. DJ Hamida, DJ Hamida. Sans me connaître, tu parles de moi. Camero, Camero. Je vois ces gens sauter devant moi. Danser dans le noir sur un son à moi. On est sur Paname. On est sur Paname. On est sur Paname. On est sur Paname. On est sur Paname. On est sur Paname. On est sur Paname. On est sur Paname. On est sur Paname. J'suis refait, j'vois les plus belles women. Mon cœur qui s'emballe. Des bois, des chichas remplis de vandales. Je joue le blindé, mis à côté, gamos de taré. Bienvenue sur Paname. On détourne ta femme sans état d'âme. On est sur Paname. Si t'as pas dosé, c'est un scandale. Ici c'est normal, de claquer ça paye dans des Jordan. De la tête aux pieds, les gars sont soignés, rasés, contournés. Welcome to Paname. Pas de mesdemoiselles, que des mesdames. On est sur Paname. On est sur Paname. On est sur Paname. On est sur Paname. On est sur Paname. On est sur Paname. On est sur Paname. On est sur Paname. La ville où la folie se pavane. Même la capitale te dira que la banlieue fait son charme. Si tu te fais caler, ne sois pas fâché, y'a d'autres soirées. Bienvenue sur Paname, là où les videurs jouent les vandames. On est sur Paname. La différence est notre plus belle âme. S'il y a du vacarme, c'est que j'envoie de la musique en rafale. Ils me détestaient, je les ai ambiancés, ils m'ont validé. Viens donc sur Paname, où la colle c'est de l'eau man. On est sur Paname. On est sur Paname. On est sur Paname. On est sur Paname. On est sur Paname. On est sur Paname. On est sur Paname. On est sur Paname. On est sur Paname. On est sur Paname. On est sur Paname. On est sur Paname. On est sur Paname avec Camero, DJ Hamida, Mix Party 2015 pendant que le studio est en train de se remplir, Hamida. Ouais. De ouf. Mais que de garçons. Ouais, c'est vrai. Je suis pas d'accord. C'est vrai qu'il y a deux garçons. Ouais. Non, il faut plus de filles. Je plaisante. Et aujourd'hui, en plus, j'étais en train d'écouter, je pense à ça, c'est la fête des voisins ce soir. Oh, c'est ce qui se passe là. C'est quoi le rapport avec les voisins? Mais avec Mix Party, si tu mets pas Mix Party pendant la fête des voisins, c'est la fête flaire totalement. Quoi. C'est, c'est clair. Mmh. C'est l'album à avoir pour la fête des voisins. Comment sont les voisins, Kaina? Tes voisins, ils sont. Mais mon voisin, il est chiant. Ah merde. Il est jeune, donc mais. Tu vas pas faire la fête avec lui? Non, je vais rester dehors. Je vais aller chez les voisins des autres. Hamida, les voisins, ils sont comment? Sympa? Mes voisins? Ouais, ils sont lourds, mes voisins. Lourds? Je leur fais des petites dédicaces et tout, les petits, ils me ramènent leurs enfants. Ça fait plaisir. Tu mixes un peu, tu fais des soirées parfois dans l'immeuble? Ouais, dans la maison, ouais. Ah, pardon, excuse-moi. Je savais pas que t'étais dans la villa. Ah ouais, frérot. Dans le jardin, bah ouais. Jardin, les voisins, sympa. Ouais, je viens de déménager, je suis dans une petite résidence cool maintenant, donc là on apprend à se connaître, tout ça. Oh merde. Tu mets du son un peu fort. C'est l'occasion, la fête des voisins. Ouais, même pas. Même pas. Non, tranquille. Ouais, tranquille. Je respecte. Tout discret. Voilà, c'est une rési, pas beaucoup d'arabes. faut faire attention. Pas se faire remarquer. Ouais. Amida, tu veux nous présenter aussi d'autres personnes qui viennent d'arriver dans le studio? Comme je disais, on est en famille. Ouais. Donc là, il y a ma grande sœur, Shaba Maria. Mmh. Merci, Hamida. Salut tout le monde, salut Skyrock. En forme. Super plaisir. Ça va très bien, merci. Donc, elle, depuis 2011, je l'appelle pour mes projets. Elle a jamais dit non, elle m'a toujours donné la Une seule fois, je serai toujours là pour toi. Merci, c'est gentil. Merci, Baraklan Fik. Une seule fois, tu t'es dit, oh merde, c'est encore Hamida qui m'appelle. Des fois, elle me dit, t'es un peu chiant, mais je le fais quand même. Je l'amène dans des galères des fois. Je serai toujours là pour toi. Merci à toi. Donc, c'est une très, très grande voix du rail. Je te soutiens jusqu'au bout. Merci, c'est gentil. Oui, tu peux, vas-y, Amida. C'est une très très grande voix du rail. Donc elle a fait déjà le classique dans R&B Fever, Mon Bled avec Rof et Mohamed Lamine. Oui, je l'ai fait. On s'était vu à l'époque. Ah oui, voilà, tout à fait. Voilà, donc je me devais de l'inviter sur mes projets parce que j'aime beaucoup son travail et tout. J'ai vu Kaina aussi apprécier, je vous ai surpris en train de discuter. Merci. Beaucoup de respect, et c'est vraiment une très grande voix. Donc je me mets à la place de Hamida, ça fait plaisir d'avoir ce genre de personnalité qui répond présent. Et elle a dit à chaque fois, tu peux faire des mix parties chaque année, c'est bon, on sera là. Toujours, dès qu'il y a un plan, elle est OP. On continue un peu, il y a d'autres gens qui sont là. Ouais, j'ai aussi encore un artiste, Ryan B, qui vient de Marseille, qui vient d'arriver de Marseille là. Il s'appelle Yacine. Yacine. Et pareil, lui, depuis 2010, il est toujours sur le projet. Il répond présent, donc voilà, il est là. Tiens, Yacine, viens dire un petit mot. Présente-toi un petit peu, Yacine. Bonsoir tout le monde, bonsoir Fred. Bonsoir, ça va bien? Ouais, ça va impeccable. Là, on a fait le trajet de Marseille jusqu'ici. Comment ça va à Marseille là? Écoute, il fait plus chaud qu'ici. Non, mais quand vous arrivez, mais pareil pour toi, Kaina, quand vous débarquez ici, chaque fois, oh, putain, Ah, c'est compliqué, hein. On n'a pas les mêmes. Mais je vois, ouais, t'es équipé, moi, là. Alors qu'aujourd'hui, tu sais, à Paris, tu peux quand même te balader tranquille. Toi, t'es équipé, on a l'impression que c'est. C'est comme si j'étais au pôle Nord. Ouais, grave. Mais bon, ça Écoute, ça me fait vraiment plaisir d'être là avec vous. Puis voilà, comme disait Hamida, voilà, j'ai toujours répondu présent. Et peut-être une présentation de toi, un petit CV Express, pour te connaître ou pour trouver aussi sur les réseaux sociaux. Écoute, Ahmed et moi, c'est une longue histoire. Donc, on a travaillé plusieurs fois ensemble. Et puis moi, c'est toujours un plaisir de travailler avec lui parce que c'est quelqu'un de très talentueux. Même si on a l'habitude de dire DJ, c'est pas chanteur, c'est pas artiste, mais pour faire ce qu'il fait, il faut le faire. Donc, big respect à lui. Bah ouais, il y a non seulement. Déjà, je trouve que le métier de DJ est respectable parce que ambiancer les gens, leur faire oublier les problèmes. Bien sûr. C'est pas donné à tout le monde. Mais ce que je veux dire par là, Fred, c'est que réunir des artistes et faire en sorte justement de faire un cocktail explosif, et que ça marche et que ça fonctionne, ça c'est pas donné à tout le monde. Et puis 34 morceaux, quoi. Ouais, c'est oui. Le gars ne simplifie pas la tâche, hein. Il pourrait faire 10-12 morceaux mixés, non. C'est clair. Que des titres inédits. Voilà, et puis moi, en ce qui me concerne, là, je travaille aussi sur un album Ryan B qui va sortir le 21 juin, Inch'Allah, si tout va bien. Et puis voilà, donc on est venu donner la force au frérot et faire un titre live. On écoutera le live tout à l'heure. Pas de soucis, avec plaisir, Fred. Merci, bienvenue en tout cas. Tu peux enlever un peu. Mets-toi bien, il fait chaud aussi. On continue les présentations. Ouais, là on a aussi il le était rappeur pas, Six. Tu m'as pas dit qu'il était à Miami. Il vient de ratterrir. Il vient d'atterrir. Toi, j'étais à Beverly Hills, moi je sais pas. International. Six, Sikou MC. On dit quoi, Six, hein, maintenant? Ça va ou quoi? Ouais, Six, Sikou MC. Maintenant c'est Six. Comment ça va? On s'énerve pas quand on nous appelle Sikou MC. Ça bouge pas. Ouais. Ça va ou quoi, Fred? Bah et toi? Bonsoir tout le monde. Salut. Kaina. Ça va, Six, bien? Je sais pas, Maria. Salut. Salut. Ouais, le CK et Six, c'est aussi pareil, longue histoire. Hein. Vitrio. On est là, Vitrio Superstar. Un petit mot, tu veux donner un petit mot, dire un petit mot sur Sikouem, sur Six, pardon. Donc, sur Six. Donc on s'est. Mets-moi bien, gros. Mets-le bien. Une petite anecdote, un petit truc en particulier. On s'est vu au studio, il m'a ramené une prod de ouf, avec un refrain avec Francisco qui était magnifique. Et ce qui a donné Beverly Hills, c'est qu'il... Et c'était quoi? C'était un morceau que t'as à l'origine prévu pour ton album, ton projet à toi, ou... Non, justement. Non, même pas. Justement, en fait, Hamida, il m'a donné carte blanche. Et voilà, jusqu'à la prod, en fait. J'ai fait la prod. Faut le dire. Je fais la prod et... J'avoue, faut le dire. Avec un PC plein de virus, on fait la prod. Avec un sourire, le marché app. Moi, je me souviens du projet Jamais Mieux Servi que par premier album, ouais. Ouais, le premier album où déjà tu faisais tout. J'ai fait toutes les prods. Tu faisais tout. T'as une bonne mémoire, Fred. Bah, quand même. Ça fait plaisir. Non, mais c'est vrai, donc tu continues toujours à. Ouais, je continue. Donc d'un côté les prods, de l'autre rapper, écrire. Voilà, chanter. Et puis il y a un projet qui arrivera peut-être avant la fin de l'année. Ouais, album déjà prêt. On reviendra à le défendre ici. Si tu veux. Tu connais l'adresse. Ouais, j'ai écouté quelques titres en exclu. Kaina, mets-moi bien, toi aussi. Kaina, je crois qu'il est grand. Non, mais c'est vrai que c'est du lourd qui arrive. Donc retenez bien son nom pour ceux qui ne connaissent pas encore. Pour ceux qui connaissent, vous savez déjà. Mais il s'appelle Six. Sikou MC, ça arrive. Lourd. Voilà. On leur dit ou pas? Ouais. Ah, on peut le dire. Mais Kaina Samet sur l'album. Ouais. C'est pour ça que tu as écouté. Ouais, c'est aussi pour ça, ouais. On peut dire le nom du morceau ou pas? Non, pas encore. Non, quand même. Genre, c'est un truc de... Non, écoute, franchement, je suis super contente d'avoir participé. C'est encore autre chose, un autre délire. Donc voilà, ça fait longtemps qu'on se connaît. On travaille aussi avec Lamine, Francisco, qu'on embrasse. Donc c'est en tout cas des personnes qui... professionnelles et qui font du son de façon... qualitative. Et bon, on pourra découvrir ça d'ici la fin de l'année alors. Et on écoute le morceau avec LECK, Je danse quand même. Allez, c'est Je danse quand même, donc LECK qui a fait un appel, on le rappelle. Ouais, pour le clip. Pour le clip. Et ça marche plutôt bien. A priori, les gens veulent avoir le clip, veulent avoir les images. Alors, il va nous dire quand est-ce qu'il sort le clip. Non, c'est ça. Il est en train de tourner là. Il n'est même pas là. C'est Karim qui décide, c'est pas moi. Bon. En tout cas, on va écouter Karim le son. Et Pauline. Allez, on le balance Pauline, maintenant. Pauline Duarte. Allez, on Je danse quand même, c'est Extrait Mix Party 2015, DJ Amida. Et LECK. Je voulais inviter Stroma, mais c'est trop cher. Maître Gims pour me revers. Indila, succès planétaire. Personne ne répond, y'a plus rien à faire. Je voulais faire un beau clip dans une boîte à Miami, Dubaï ou Punta. Miami. Okay. Néglige comme ça, je reviendrai comme un loser. Les gens sont mauvais. Les gens ils sont mauvais, ouais. Les gens sont mauvais. Grosse dédicace à Mansley, enfermé un frère. Gros bisous, frère. Les gens sont mauvais. Oui, mauvais. Les gens sont mauvais. VR, saoulé, ça bouge pas. Pour oublier mes problèmes, je danse quand même, je danse quand même. Pas de thunes, pas d'essence, pas de meufs. On sait le faire, on sait le faire. Je danse quand même. Les impôts arrivent, la flemme, je vaisseau, quand même, je gagne cette industrie. Elle me trouve mignon, mais quand je pense comme elle, je pense comme elle. Un ordi. Al-Rima, le 5 juin, Yama. Je voulais inviter Nicky, viens la Habibi. Ouais, la femme de Jay-Z. Dans mes rêves, j'ai rien compris. Qui est dispo à part Jenali? Désolé, Jenali, pardon. Oh my god. Mes voisins m'espionnent. Rien à faire, je fais genre tête en l'air. Je suis du père, j'ai la flemme quand on me questionne. Les gens sont mauvais. Oui, mauvais. Ouais, Bouchanek, Jamil, Dalil, Malik, Yama. Oui, mauvais. Les gens sont mauvais. Oui, mauvais. Les gens sont mauvais. Oui, mauvais. Yeah. Pour oublier mes problèmes, je danse quand même. La compil est dispo, la famille. Pas de thunes, pas d'essence, pas de meuf. Je danse quand même, je danse. C'est quand le numéro 1. Les impôts arrivent, la flemme, je dépense quand même. Je dépense quand même. Elle me trouve mignon, mais quand je pense comme elle, je Six pense quand même. Envoyez vos messages pour le clip. On va le faire, on va le faire. Je fais pitié. Endormi à moitié. Pas de projet. La vie m'est décrochée. Maman veut me jeter. Le pôle emploi m'a raté. Je traîne plus au quartier. Maintenant c'est la MJC, je sais. Plus je me néglige dans cet art. Je me rapproche du c'est trop tard. Pourtant on demande peu de choses. Rendez-vous cet été au Maroc. Et une haute mare. Beaucoup de souris par intérêt. Où est leur tort? On a tous un frigo. Un compil est disponible. Ensuite promis, je tire le rideau. Pour oublier mes problèmes, je danse quand même, je danse quand même. Pas de thunes, pas d'essence, pas de meuf. Je danse quand même, je danse quand même. Les impôts arrivent, la flemme. Je pose dédicace à Mansley, mon bras droit. Elle me trouve mignon, mais quand je pense comme elle, je pense quand même. Pour oublier mes problèmes, je danse quand même, je danse quand même. Du trio. Pas de thunes, pas de meuf. Je danse quand même, je danse quand même. Les impôts arrivent, la flemme. Force à toi, Jiju, grosse force à toi. Tiens, ben Maria, on va faire le remix. Dimanche, on va tous monter à la fête des Lilas. Je danse quand même à l'instant, et le CK, donc le clip arrive, hein, ça y est. Ça y est, là. Début de tournage, là. C'est bon. Avec le remix. Avec Cheba Maria, t'as dit oui aussi, hein. Oui. Il n'y a pas de problème. De suite. C'est star quand même. Ouais, c'est, ça fait star, Toujours quand même. Toujours quand même. Quoi qu'il arrive. Toujours quand même, en tout cas. Ça va. Bon, dans un instant, on va revenir sur Skyrock. Il y aura donc une grosse session live d'ici quelques minutes. Tu voulais présenter d'autres gens, Amida ? Je voulais présenter d'autres gens. W. Ah, bah, le fameux W. Le fameux W de KSX Industry. Qui est de retour. Qui est de retour. C'est un W. Salut, ça va, mon pote ? Et toi ? Tranquille ou quoi ? Eh ben, en forme. Bien ? Bah, ouais. Voilà, on est là. Bah, il va nous faire un freestyle, du blingerie. Bah oui, c'est l'heure du freestyle par téléphone. C'est l'heure du freestyle par téléphone. Alors, ce sera dans un instant. C'était quoi la blague ? Non, non, on est plein de blagues nulles. Les gens, ils vont prendre. W donc. Voilà, W donc. Tu nous disais. Tu connais W, Kaina? Ouais, on s'est croisés déjà, ouais. Elle est venue à ma sortie le 2 juin, elle est venue à ma sortie me donner ouais, de la force. On était avec Hamida, ouais, je sais plus où, à Paris, dans une Fnac ou je sais plus où, ouais. Si, si, on se connaît. Voilà. Cool. Et bah, dans un instant, on est là, on est là. Un gros live qui se prépare, Hamida. On mettra aussi peut-être un morceau, t'avais dit que tu voulais balancer un morceau. Le Shabba Maria et Mister You, et même le Meliad, Kaina Samet et Rimka. Ouais. Et bah, tout ça dans un instant, ne bougez pas, on revient, et puis il y a un gros live qui se prépare après ça. Peace. Ladies and gentlemen. Skyrock reçoit DJ Hamida pendant une heure complète ce soir. Planet Rap. Planet Rap DJ Hamida. Avec un morceau de Mix Party 2015. C'est ça. Shabba Maria, Mister You, Gataga. Bisous à toi de Marrakech, ma gueule. Aïe aïe aïe. Shabba Maria. دوينا على الويدة ميستيريو شابة ماريا خسرنا الهضرة كوكو بيدا حلسك دوينا على الغربة دوينا على البلاد كل اللي حبيبه واش بقى عاقلة ملي كان حبك ملي حفظ القى لبريكا رقر ولا حشش لورقة ملي ما القلعة من يتلاقى من غير شي وحدة اللي تكون بحاله كيما يقولوا توانسة واش نحواله شحال كدب عليك هاتي لي قالوا شابة ماريا حبيبك ماله هادي دي كاسا اولي بالتيمو تولوز بيبونا تخاف بغيت تخرج عليه يعني سنك خويا الله يهديك خويا الله يهديها بيتخو مالو كان جفي بيانتو دي ميناجي تي با فيع الميناج تي ميم با فيع عمونجي ميستريو J'en ai marre, t'es toujours avec tes copines à la maison et quand tu sors c'est que pour faire du shopping حسيت بالفيد عمري انا وانت اللي بغيتي هاد الحالة Viens arrête les embrouilles, viens on kiffe, ouais, viens on part en vadrouille Kaza, Teza, Marrakech, Agadir, ou Verifren, c'est toi un père en froidir Wesh hal t'kdeb alih, wesh hal y'kdeb aliha Hiya chhal t'bghih, huwa y'mout aliha Bghat t'khurj alih, wbgha y'khurj aliha Nubled, Carlos, Bikuna, Trax Mohamedia la villa Aywa Mohamedia Walessa Sablet Zaki 16ème Love to love à l'instant sur Skyrock avec Mister You, Shabba Maria qu'elle a aussi avec nous ce soir dans l'émission entre 20h et 21h. C'est extrait de Mix Party 2015 et si tout le monde est prêt, je pense qu'on va pouvoir déjà maintenant attaquer le live, hein, pratiquement 20h30. Hamida ? On commence par quoi ? Petite session mixée Session mixée. Ah, attention ton casque. Ah ouais, parce que sinon. Petite session mixée. Donc voilà, hein, avec tous les artistes ici présents. Et il y a du monde ce soir, une fois de plus, pour finir à la en chaîne, beauté. Mec, ça va finir à la chaîne. À allez, la c'est chaîne, parti. Hein, comme à Renault. Ah, ouais. Comme à Renault, ma gueule. C'est parti, ma gueule. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai pas de son qui sort. Quoi ? Zaki 19. Zaki 19. Ah, la compilation, elle est toujours disponible, la famille, elle est sûre. La Fnac partout, vous pouvez aller la pécho la famille. DJ Hamida numéro 1 déchire. Il semblerait que j'ai pas de son qui sort sur la table. Que se passe-t-il? J'ai pas de son qui sort sur la table. Problème. Voilà, on va faire un beatbox. On va faire un beatbox qui se lance. Ouais. Ouais Pipuna. Ouais Trax. Reste 4 Blood. Champron vert. Ah. Putain, mais Kaina, je bah connaissais pas ce don. Mais t'as vu ça? Mais moi, j'ai traîné avec Cut Killer, moi. Ah, bah, ça sent. Ça sent direct. Big up à Cut au passage. Bah, je vais en profiter pour faire une vas-y, dédicace. Vas-y, profitons-en. Pour raconter une anecdote. Et bah, allons-y. Voilà. Aujourd'hui, je reçois plein de messages. Mais où es-tu, Kaina? Apparemment, il y a un média donc, qui a sorti un article. Oui, c'est vrai. Voilà, tu l'as vu aussi. Ben, j'ai vu, il paraît que t'es en prison. Ben non, je suis là. Ah. Non, que Dieu m'en préserve. Ça en fait, je vais juste faire un concert en prison. Ouais. À la prison de Nice et à la prison de Toulon. Parce qu'on m'a invité pour aller chanter. Et... avec l'équipe de Mouloud. C'est ça, exactement. Voilà. Ouais. Donc que personne ne s'inquiète, maman, t'inquiète pas. Mais ouais, c'est terrible parce que c'est vrai qu'il y a eu un article, ouais. En plus, c'est l'article Kaina en prison. Voilà, donc, alors oui, si t'as pas eu des gens proches. Dans des la gens... formule, c'est bizarre. Tu vois. Artistes, hein. Ouais, c'est bizarre. Donc je fais un gros bisou donc, à Calou. Donc tout va bien. Hein. Ouais, tout va bien. T'as même pas de bracelet, a priori. Non, tout va bien. Je fais un gros bisou à Calou, Salim, Nadir et Manu. Voilà, en big up de lui. Je vous embrasse. Moi. Et ben je crois que maintenant, après cette jolie anecdote, et pour dire que tout va bien pour Kaina, oui, bien sûr. On peut attaquer live, c'est parti. Yes. Woohoo. DJ Hamida, attention. Aïe, aïe, aïe. On cherche pas une équipe qui gagne. DJ Hamida. Yeah. Elle le sait, DJ Hamida, tu connais déjà. Mugo, Clayton, Hamida. Yeah. Si je sais que ça t'éteint, donc elle danse sur la piste. Elle donne, elle donne, elle donne. Nous trois loups dans chaque équipe. Elle a quelqu'un. On dit que l'alcool c'est de l'eau. Virgin et mon mojito. Moi je suis vraiment l'hélico. Pas de champagne et de veuve clico. J'aime bien quand on fond de wine. Taille basse, le boutin, ta China. Elle m'aime et c'est normal. Ma chérie, moi j'aime la Sherma. Est-ce que t'aurais un Snapchat? Je fais des vidéos tu. Un peu comme Zaki 19. Yama. Je suis pas un bâtard. Moi je l'aime. On y va. Elle cogne, elle cogne, elle cogne. À demi-litre. J'en ai marre qu'on se tourne autour. J'ai donne-moi ton téléphone. Un zéro but de Brahimi. Sans de Youssef Arabi. Je les aime, les femmes de la noche. Elle retrouvait le CK le 5 juin au Turc Club avec. On se donne rendez-vous à la chicha. Mes choix. Je me pose de la MIFA. Ça fait 6 ans que c'est la FIA. Elle le CK, DJ Hamida. Ma ourti, ma umri. انا حبك تلياني يا مان دونك elle danse sur la piste elle donne elle donne elle donne deux ou trois loups dans chaque dunia il y a un demi litre il y a du monde dans les studios là ce soir c'est la dernière il y a du monde quoi. Dédicace à Ali Boy, mon gars, le Bona, le Bona Beach. Hey yo, Mansley a friend. Some of mine, just give it to me. You're fine, just give it to me. Just give it to me. I give it to me. Will Zewit Shehed. Arsia. Eldan, Eldan, Eldan. Cameroun, c'est à toi. Mais lequel gagne, elle gagne. On claque des sommes, j'en ai marre qu'on fait mon tour. Chérie, donne-moi ton téléphone. Oh, qu'elle danse sur la piste. Elle donne, elle donne, elle donne. Deux ou trois loups dans chaque équipe. Belle qu'elle cogne, elle cogne, elle cogne. À demi-litre. Le 5 juin au Pure Club, elle le sait quand, c'est à Paname. Yeah. Ok. Yeah, man. On est où? On est sur Panama Boy. Hamida Camonisation. Depuis des mois, ça part sur moi. Hey, sans me connaître, tu parles de moi. Ces joies, ces gens sautaient devant moi. Bon, on arrête de chanter, hein. On passe aux choses sérieuses. Let's go, hey, go. On est sur Paname. On est sur Paname. Hey, j'ai dit on est sur Paname. J'ai dit on est sur Paname. Hey, j'ai dit on est sur Paname. J'ai dit on est sur Paname. Hey, on est sur Paname. J'ai dit on est sur Paname. On est sur Paname, je refais joie des plus belles women. Mon cœur qui s'emballe, des bois, des chichas remplis vandales. Je joue le blindé, une mise à côté, gamose de taré. Bienvenue sur Paname, belle de ta femme sans état d'âme. On est sur Paname, si t'as pas dosé, c'est ta scandale. This is a remix, baby. Ici c'est normal, me claquer ça fait de des Jordan. J'ai dit de la tête aux pieds, les gars sont soignés, rasés, contournés. Amida, mix moi ça, ma boy. On est sur Paname. Yeah, j'ai dit on est sur Paname. J'ai dit on est sur Paname. Yeah, j'ai dit on est sur Paname. On est sur Paname. J'ai dit on est sur Paname. Yeah, on est sur Paname. Amida ta DJ boit de nuit. C'est de l'eau. Mais c'est de l'eau. Mais c'est de l'eau. C'est haram. c'est de l'eau. C'est de l'eau. Pécasse des doubles zonoises, c'est de l'eau. Frère, ça bouge. On est sur Paname, la ville où la folie se pavane. Même la capitale te dira que la banlieue fait son charme. Si tu te fais caler, ne sois pas fâché, y'a d'autres soirées. Allez bien, nous sur Paname, là où les videurs jouent les vandames. On est sur Paname, la différence est notre plus belle arme. S'il y a du vacarme, c'est que j'envoie de la musique en rafale. Ils me détestaient, je les ai ambiancés, ils m'ont validé. Allez viens donc sur Paname, la colle de l'école de l'Oman. On est sur Paname, on est sur Paname. On est sur Paname, j'entends rien. On est sur Paname, je dis on est sur Paname. Je dis on est sur Paname. Yeah, je dis on est sur Paname. On est sur Paname. Vas-y amiga Zonto, lève les bras à Zonto. Allez balance les bras à Zonto. Allez lève les bras à Zonto. À Zonto, à Zonto. Vas-y à Zonto, à Zonto. Amida, mix party 2015. On met la musique. Oh, hey. Depuis des mois ça part sur moi. Sans me connaître, tu parles de moi. Vas-y, chante avec moi et laissez comme un gars. Chante avec moi et laissez comme 9K dans la maison. Et sur un son, on est parti. On est sur Paname. On est sur Paname. J'ai dit, on est sur Paname. On est sur Paname. Lève-toi. On est sur Paname. On est sur Paname. Maman, il faut. On est sur Paname. On est sur Paname. On est sur Paname. On est sur Paname. Yeah, j'ai dit on est sur Paname. On est sur Paname. Yeah, j'ai dit on est sur Paname. On est sur Paname. Allez, on est sur Paname. On est sur Paname. Yeah, les gars, ça ma boy Madila, Kadimus, Padestrimus, Nastrimus. Yeah, ma boy Five Music dans la maison. Rappé Showbiz Party 2015, carbonisation, c'est de l'eau. Cameroun, Palacio. Pekadzou, ma boy. On est là. Allez. Pour tous les nouveaux mariés. Oh là là là là. Aïe aïe aïe. Zartkoum. Zartkoum. Didier Hamida. Kaina, fais votre hymne. Gros big up à l'artiste. Ma big up à l'artiste, ma gueule. Aïe aïe aïe. L-E-C-K. Yeah. Le clip est dispo. Gros big up à Nawel. J'en ai profité avec toi. Les amis sont tous arrivés. Tout le monde est là. Aujourd'hui, ta vie va changer. Ton mari près de toi. C'est fini les boîtes de nuit. Maintenant, faut les faire à manger. Oui, c'est fini les sacs d'outils. Maintenant, les couches à changer. Y'a du monde dans les studios. Sur un son de chef en arrière. C'est fini. Je traîne le jour et la nuit, j'ai jamais dormi, moi je suis dans les affaires. On veut toucher le million, le million, le million. Dans le quartier sans rien faire. Je lève mon verre, sans rien faire. Mes amours, mes amis, la famille, à la pluie, à la mort, à la rimka. Ambiance du bled, ambiance catagris. Tonight, en Ferrari, sur la fraîche Riviera. Tu te maries là, maman de White Dream. T'inquiète, photo garde à pêche, on est là. Hey tout le monde, c'est fini. Trouver ton rima ou quoi? Marabero! Aïe aïe aïe! Passez la blague, pour les mariés, on sort les compètes! Dicasse en fraise! On se retrouve cet été en bled! Pour mon petit beauf. On met le flic de Beverly. En live de Beverly, ma gueule. On n'est pas net, on va six. Et on tente, c'est comme dans Tetris. Francisco. Charlino. Rodrigue par France. STX à la pointe. On tente, c'est comme dans Tetris. Yeah. Oh, oh, oh, oh. Ouais, c'est la lune. Ha ha. AFK. Feu les frérots du chaperon vert. Ryan B. L'ami. Ne m'appelle pas. J'ai la récup dans la main droite. J'ai le volant dans la main gauche. J'arrive dérapage devant la boîte. Je fais mon entrée, tout le monde saute. Comme Beyoncé, tu fais l'appel, ouais. Lève ton verre, le son est criminel, ouais. Francisco, S.I.X. Tu sais déjà qui est le DJ qui mix. On est bad boy, pas les victimes. Chicha au bord de la piscine. Y'a du flow, y'a du style, y'a du show. Faut du cash, un milliard de centimes. Yeah. Big up à Francisco. Ouais. Lamine. Vitry sur scène. Miami, Vitry sur scène. KSX est dans les starting. Voilà. Yeah. Ah. La villa Mohamedia. Quand je sors de mon hôtel, prêt à dépenser mon oseille. 3, je lâche pas mes lunettes de soleil. 4, 5, 6 heures du mat, j'ai pas sommeil. Ma boule, yeah. J'ai les flous. Non, j'ai la boule. Yeah. Plus de pêche que ta Red Bull. 9, 4, presse le start et très pénètre. Sont dans ton gamos. Sont dans ta boule partie. Ce soir, on vous met le feu. On vous met le feu. Ouais, on vous met le feu. Yeah. Laisse-moi faire, c'est moi qui arrose. T'inquiète, c'est la famille. C'est quoi, MC? On vous met le feu. Tu peux appeler les pompiers. Ou même le flic de Beverly Hills. Rien ne nous arrête, on est pas net. On va finir entassé comme dans tes trucs. Si tu leur as discutant. Yeah. Pour tous les frères enfermés. Un petit rayon de soleil dans ta cellule, frérot. Fren Florine en terre, ville pop. Dilali DJ Hamida, on est back. Zaki 19. Ouh. Aïe. Ça prend nos ailes que je mérite. Impossible que ça l'aime mes vides. En mode elle pense à nos limites. J'partirai en vacances sur un satellite. Pas le temps pour mes blèmes. Pour le love faut des thunes et voir tous les hypocrites. Hello AK, la famille, toi ouais DJ Hamida. 2015, on a bien comme d'hab que des tu t'aimes les bandits, ce soir t'es rock, t'inquiète, t'en es rempli. De Lyon à Marseille, de Marseille jusqu'à Paris. On a les mêmes équipes, le même bolide. Wesh ma gueule, ferme ta gueule, t'as trop le profil de génétique. Je fais pas la bise à ce que je connais pas, désolé. Mais si t'es bonne, t'es fraîche, j'ai que t'es bien collé. Dédicace à la famille. Mon cul que vers la fin du monde, tout le début mon frère. Bah ouais, bébé, le AK sur Skyrock. Dédicace à la famille. J'vis à mille à mille à l'heure, j'vise Miami à mi avec Miami à mort. Tu veux te faire la mal, fais-le avec un labien. Avant qu'on s'occupe du tien, il faut du zéyo, pas un peu mais plein. On a connu la hesse, mais jamais on s'est plaint. J'ai une pêche de malade, j'ai envie que tout pète. J'ai envie d'un palace, d'un gamos, de Dubaï, de Phuket. Du bien, du mal pour l'élever. Mais dans le fond, frérot, tu sais, j'suis pas mauvais. Moi, des mythos, des faux, je m'évader. Bim, pour à bord, pareil à décoller. On a fait le taf, plutôt bien cette année. Bon, fête sur la piste, ça danse, les bras levés. Mais qu'est-ce que j'taille du lourd comme chaque année. Wesh, Hamida, la suite, tu la connais. J'suis posé tranquille, mon pépère. Au fond du club, sirote, quelques verres. La fin du monde au début, mon frère. Moi, perso, j'en ai rien à faire. Baby, tu t'es trompé. Je suis pas le mec idéal. Bah ouais, c'est ça. T'as besoin de lover. Et ça tout de suite. Tu lui offres ton love. Elle voulait juste la suite. Elle voulait quoi? Juste la suite. Elle voulait juste la suite. Elle voulait juste la suite. Elle voulait juste la suite. J'ai vu des femmes avec des bêtes de corps. A peur de contre-dieu gamin c'est finir dans le décor. Putain c'est chambé. J'suis sur les routes, je blesse un gros AMG. Montre le son pour nous entendre jusqu'à Tanger. Ce soir c'est clair, j'suis pampé l'homme. Laisse-moi tranquille, je voulais pisse pour des menottes. J'oublie les soucis de la vie. Et c'est fausse pote. Fausse un problème, tu veux kiffer sur le Maroc. Bébé du casse un duel, un burger à ouf. Du monde au début mon frère. Mon personne n'a rien à faire. Poli, tu t'es trompé. C'est la terre mais je suis pas le mec idéal. Bah ouais, moi j'ai la famille. La ville en train. Tranquille mon frère. Et tout ce qu'on peut faire. La pompe est big up. Ça se passe sur Skyrock. Je suis pas le mec idéal. Non. DJ Hamida, L.A.K. Yeah. samedi soir. Yeah, KSX est dans les studios, la famille. DJ Hamida, c'est comme d'hab. Aïe, aïe, aïe. Yeah. Mama, du White. Dédicace à Nabil et BSM, mon pote BSM. On arrive au Bonabitch. Ici c'est Marseille, le gang des martyrs, la famille. Fais du bruit, Skyrock. Tu peux la faire. Sur la tête du petit qui pleure sa pique. DJ Hamida au parc, il faut que ça piffe. Tes yeux brillent comme ce sur moi que t'es pinko. Je suis posé avec mes ronds et mes bigots. Tu fais du rhum à mon choix à la veuve. Je suis brique d'Ima Yazina. Chercher, oui, j'ai beau chercher, je tombe que sur terre. J'ai beau chercher la solution, je crois qu'elle n'existe pas. Mix party, DJ Hamida, Marseille, à Paname. Yeah. La la la la la la la la la la. Tout le monde chante. J'ai besoin d'air. Claquer la porte, partir et jeter la clé. J'ai dit j'ai besoin d'air. Couper mon fan et me barrer tout l'été. Classique. Moi je veux voir les visages briller. R.I.M.K. l'artiste. L'odeur de la viande grillée. Yeah. Phénoménal la gueule. Je me suis déconnecté. Je me suis déconnecté. J'écouterai du Ziggy, dédicace à ma mate. Pour ambiancer, incarcéré. Tu dis qui est la belle comme tout le monde. Ne m'appelle pas, je suis pas là. La la la la la la. Ok. Tu as mon je suis sous le soleil. Morad Osman. Ne m'appelle pas, Calou. Je suis pas là. Non, je suis pas là. On est plus sur Paname. Je suis sous le soleil. Je me balade. Je dédicace, DJ Nas, groupez ma gueule, aïe aïe aïe. Gros big up à Rimka. Mais je veux la même vue qu'à Youssef l'artiste. Big up. Démarre la caisse, les vitres et les lunettes. Big up. L'Algérie, le Maroc, la Tunisie. Mes frérots de Marseille. Le toute la France entière. De tous les bleds entiers. Ne m'appelle pas, je réponds plus. Un peu de weed, un peu de mix party. Je bronzer les plumes. Je coupe le son et l'image. Je fais un Kaina. Tu l'as que j'ai pris le bar. Je me suis déconnecté. J'ai laissé tous mes problèmes de côté. Zaki. Zaki dit ça. Et j'écouterai tu. Tu. Tu, je ferai ça du poids. Ne m'appelle pas, je suis pas là. La la la la la la la. Ne m'appelle pas, je suis pas là. La la la la la la la. On n'est pas là, on est en planète rap avec Fred. Ouais. Classique. Le téléphone fait que sonner. Désolé, je suis pas là. Ouais. Et gros, à mon nom, tu vas parler. Mix Party 2015. Magnifique. Merci Hamida, merci à vous tous. Merci à tous, merci oui, à Zaki, tous les gens. Oui, Zaki, 19, ne t'inquiète pas, ouais. C'est le mec le plus dissipé du studio. Il veut de la lumière, il veut un peu de buzz. Il a la dalle, il a la dalle. Dissipé du studio. Il a la dalle. Je voudrais dire un dernier truc. Vas-y, Kaina. Grâce à toutes les personnes qui ont cliqué sur le clip déconnecté, voilà, tous ceux qui nous ont donné la force, tous ceux qu'on rencontre, je remercie tout le monde au nom de Youssef, au nom de Rimka, au nom de Karim, Nabil, merci à tous. Voilà, vous avez fait en sorte que cette aventure continue. Et merci à Hamida pour son invitation, à tous les artistes, tous les gens qui sont déplacés de Marseille et partout ailleurs. Bravo à lui. Ouais, c'est des Camero qui était là et qu'on n'a pas encore Camero salué. Ouais, je suis venu en retard. J'ai vu. C'est Paname, ça. C'est Paname. C'est voilà. Paname. Paname et ses bouchons. Bon, bah, merci vraiment à vous tous, voilà. En tout cas, pour cette belle semaine. Merci, Hamida. Avec merci plaisir. À toi. Mix Party, c'est dans les bacs depuis lundi. Depuis lundi. Allez vous le procurer pour passer un bon été. Passer une bonne fête des voisins aussi ce soir. Ouais. Allez télécharger tout de suite légalement l'album Mix Party 2015. Merci à vous bacs. Tous. Juste avant de se quitter, qu'est-ce qu'il y a, Zach? Salut mes petits cornichons quand même. Salut mes petits cornichons. Voilà, merci Fred, tu es TTV. Ça va? C'est très joli en tout cas. Merci. On fait tourner avant de se quitter rapidement la roulette, c'est parti. Ok. Skyrock t'offre le nouvel album de Youssoupha. Plus 50 euros de chèque cadeau. On vous met bien, non? Solène de Ponto Combo, c'est comment bien. Ça va Solène dans cette ambiance survoltée du vendredi soir? Ça va, en pleine forme, tu es prête à faire tourner la roulette Solène? Oui, je suis prête. Eh ben on y va, dès que tu veux tu dis stop, c'est parti. Stop. La roulette qui va s'arrêter. Et ben voilà, 50 euros chèque cadeau plus l'album de Youssoupha Négritude, c'est pour toi Solène, on t'envoie ça. Oh, merci, c'est gentil, je suis trop contente. Je te souhaite une très bon week-end. Vas-y, on t'écoute. Alors, je fais une dédicace à mes parents qui sont en bas en train d'écouter, à Marceline, Chanel, Sandrine, Anaïs, Chloé, Nathalie, Julie, Skyrock bien sûr et tous ceux qui me reconnaîtront. Et ben bisous Solène, passe un bon week-end. Merci. Bon week-end à vous tous, merci à vous tous. Ah, on t'entend plus, Kaina. Je t'en prie, merci. Merci à vous tous. Hamida, je te laisse le mot de la fin. Petite dédicace, me remercier quelqu'un. Dédicace à tout le monde, dédicace à toute la famille, tous ceux qui m'écoutent en direct du Maroc, mes sœurs, Saint-Etienne, Montceau-les-Mines. Dédicace à la Jupe de Montceau, tous les quartiers de Montceau. Et l'album, il est sorti. Et Zaki 19, voilà, il veut encore du buzz, s'il vous plaît, parce que sur le Coran, il a commencé à me retourner la tête. Donc, rajoutez Zaki 19, s'il vous plaît. Avec lui, il a dit. Bref, l'album, il est dans les bacs. Il est dans les bacs, merci à vous tous. J'en place une pour le poteau Paco qui est dans le coin. Tiens, tous ceux qui cherchent des Mac pas cher, c'est macandpro.com. Petite réduction pour les gens qui viennent de Sky. Donc allez faire un tour sur le site macandpro.com. Je suis en concert avec Rimka dimanche à Vitry-sur-Seine justement. Voilà, et moi je trace directement à Bruxelles là. Dans le cadre. Ah oui, t'as Bruxelles direct. Ouais, moi, Bruxelles c'est chargé. On sera là. Et bah donc, merci à Camero, merci à Sikou, c'est merci dans à un w, stade, il faut aller voir sur les réseaux sociaux. Ah ouais, bah voilà, dans le quartier de Sikou. Dans le quartier de Sikou. Sur Instagram, il y a le fly. Il y a toutes les infos. Voilà. Ouais, il y a toutes les infos. Donc c'est dimanche. C'est gratuit, ouais. À pas louper, merci à vous tous. Juste un petit cadeau. Vas-y, c'est super important. WKSX Industrie, cousin. Avec lui, sur la famille. Deux secondes, les gars. Ouais. Je voudrais faire un hommage à notre frère qui nous a quittés la semaine dernière, Jakaya Sawane. Un autre petit frère qui s'appelle Jesse Chikaya, force à toute sa famille et à la mère de notre frère Okuder du square de la loge à Vitry-sur-Seine. Voilà, big up la famille. Eh ben merci, c'est vrai que ça peut être des moments joyeux et puis des moments un peu plus durs, donc on pense aux familles, aux proches. Ouais, c'est la vie, on va tous partir un jour ou l'autre. Et merci à vous tous, merci force Hamida. Merci à toi. Allez, tu salues les Belges. Salut. On va retrouver Difool, c'est parti pour la radio libre. Eh bien merci Fredo, merci Hamida pour cette semaine. Grosse semaine, hein. Oui, c'est bien. Grave. Sentez les vacances. Bisous Kaina aussi. Bisous, ouais. Je vous embrasse. Bisous, Kaina. Bon, bisous à tous. Bon, Hamida, on se la bise aussi, hein. Vas-y, ouais. Bisous. Ouais, bisous aussi, bien sûr. Et dans les bacs, Mix Party 2015. Ça y est. Ça y est, c'est parti. C'est dans les bacs depuis lundi. Bisous Marie, moi. Moi. Bisous, ma belle. Et bien merci à vous. Et puis Fredo, tout à l'heure, la Nocturne de Planète Rap. Nocturne avec Al Capote dans la première heure et puis du son rap français juste après. Oui, bah c'est 100% rap français tous les soirs, juste après la radio libre, juste après minuit. Et semaine prochaine dans Planète Rap, c'est Black M qui revient dans Planète Rap. On fera un petit point sur l'énorme carton de son album, sur l'énorme carton de la tournée. Oui. Tous les soirs entre 20 et 21. Et bien c'est bien. Black M, DJ Hamida cette semaine. Merci super. À toi. Bah Hamida, merci à toi. Il n'y a pas de souci, avec plaisir. On te retrouve très vite sur Skyrock. De toute façon, on t'écoute pratiquement toute la journée. C'est clair. Mais tu ne devais pas venir nous faire un bisou. Je vais arriver là. Ah, ok. Okay, très bien. À tout de suite, Hamida. À tout de suite. Puis à tout de suite, tout le monde. C'est parti sur Skyrock. Radio libre jusqu'à minuit. Jusqu'à Fred, jusqu'à la Nocturne. Yes. Et c'est parti avec toute l'équipe qui vous attend au 01 53 40 30 20. Si vous voulez passer dans l'émission, c'est facile. Vous passez sur Skyrock ce soir, vous nous appelez. Et puis vous arrivez directement avec nous dans un instant là. Qu'est-ce qu'on a prévu pour vous ce soir? Ah oui, le rendez-vous des pervers. Ah, là là. Ah ouais. tout ce qu'on aime. Ça, ça va être bon, ça. Ah oui, on y revient dans un instant, on va en reparler là. Travelotage et tout quoi. Ah, travelotage. Ah bah la totale. Ça, c'est bon, ça. Ah, il va se déguiser en joueur du PSG. Marie, t'as amené les vêtements, t'as Ouais, j'ai rapporté plein de trucs. T'as les talons? Ah bien, on va déguiser Romain. Non, c'est ce bon, soir. Il les a. Ah. Déguiser Pamela pendant ce soir. Ouais, puis, c'est tout, ça. Tout à l'heure, on aura aussi des places à vous filer pour aller voir le match de demain, le match qui opère. Travelotage, allez, Paris. À Paris, et ouais. Notage, jamais 203. Ah, on verra. Demain, le match et les places, les toutes dernières à gagner ce soir dans la Radio Libre. La Radio Libre qui démarre tout de suite avec Nicki Minaj. C'est comme ça qu'elle dit. Comment tu t'appelles? Nicki Minaj. Minaj. Non, pas Nicki Minaj, Marie. Nicki Minaj. Nicki Minaj et David Guetta, c'est Emama pour démarrer la soirée. Bon, on démarre tout de suite. Radio Libre jusqu'à minuit. Merci Fred. Salut Amina. Ciao, ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Total respect. C'est zéro limite. Zéro limite. Radio Libre.